L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. La désorganisation, l'empire. Chaque enfant se développe d'une certaine manière. On appelle cela les intelligences multiples. Lire des livres sur ce qui fait qu'un enfant est intelligent ne consiste pas à séparer, mais à diversifier. Ainsi, l'école qui sépare demande à l'élève d'organiser, encore faut-il que l'élève le sache. Autrement dit, la séparation sans l'organisation à l'école apporte l'entropie si l'enfant ne s'élève pas en organisant de lui-même. L'école a un gros défaut, c'est qu'elle prépare à créer de l'entropie, de la désorganisation, pour satisfaire ceux qui ont du pouvoir. Difficile de lier la foi à la raison quand on est à l'école. La foi, c'est la volonté. La raison, c'est être dans la vérité. Pourtant, en comprenant le sens des mots utilisés avec le latin et le grec, on l'anticipe beaucoup. Un mot, c'est un secret. Si on connaît le secret des mots, au moins jusqu'au grec ou au latin, on peut anticiper en collège ou en lycée au moment où le bordel libéral s'installe de plus en plus. Lorsqu'il y a un changement de paradigme, une nouvelle organisation s'impose dans les pays organisant une nouvelle société. Les pays anthropiques partent, eux, en guerre parce qu'ils ne veulent profiter que de ce qui existe déjà chez les autres. En effet, ceux qui ont le pouvoir utilisent des lobbies pour empêcher aux nouveaux secteurs de se développer, pour empêcher la présence de nouveaux venus. Ainsi, un pays riche qui se désorganise, notamment par l'école, deviendra un empire, c'est-à-dire qu'il utilisera son pouvoir pour prendre les ressources des pays pauvres. À la fin, l'empire imposera ou sera remplacé. Mais note, veux-tu ce qu'a ton voisin? Peux-tu faire autrement? C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.